lever en sursaut des larves pêle-mêle. La nuit, réveillant la mort, sa sœur jumelle. Pensif, je regardais l'incorruptible airain. Les volontés sans loi, les passions sans frein, toutes les actions de tous les êtres, haine, amour, vertu, fureur, hymne, cri, plaisir, peine, avaient laissé, dans l'ombre rien remuée, leur pâle empreinte autour de ce bronze muet. Une obscure Babel y tordait sa spirale.